Bienvenue dans Flamme, avec le L entre parenthèses. Bienvenue dans un spectacle de femmes. En fait, toute ma vie, j'ai eu l'impression de faire pitié. Et là, aujourd'hui, sur cette scène, j'ai pas envie de faire pitié. Un spectacle tout en interrogation. Qui sont ces jeunes femmes françaises aujourd'hui? Je m'appelle Lorraine Dulimbois. Quand je dis mon nom au téléphone, tout va bien. Mais dès qu'on me voit, on me fait les yeux tout ronds. J'étais devenue ce qu'on pourrait qualifier d'afro-péenne, intellectuelle de gauche, bobo. En fait, je ne pense pas représenter une autre personne que moi-même. Des femmes uniques et multiples. À la fois en quête d'identité, mais surtout en quête de la reconnaissance de leur identité. L'auteur et metteur en scène, Ahmed Madani, présente ici le deuxième volet de son triptyque « Face à leur destin ». Après avoir donné la parole aux garçons dans « Illumination », voici les filles dans « Flamme ». Le réel devient sa source d'inspiration. Il explore, il exporte, il pioche et il tricote. Ahmed Madani casse les codes. Pas de casting de professionnels. Ici, elles sont toutes expertes de la vie quotidienne dans les cités. Elles représentent les différents aspects de la féminité. Toi, chérie, t'as les cheveux bouclés. Mais alors, j'ai les cheveux bouclés. Il y a des Françaises, elles ont les cheveux bouclés aussi. Bah, moi, je me brosse les cheveux avec un peigne. J'ai les cheveux lisses. Mais arrête, t'as dit ça, c'est pire que moi. Je me brosse même pas les cheveux, déjà. Madani cherche à rapprocher les êtres en partageant les ressentis. Il me prend dans ses bras. L'obsession des uns pour me voiler n'a d'égal que l'obsession des autres pour me dénuder. Il va questionner les sources pour les relier au présent. Mes parents viennent d'Haïti. Et avant, quand j'étais petite, je croyais qu'on était des aliens. Ouais, qu'on habitait à Haïti, avec Haïti l'extraterrestre. Avec Flamme, attendez-vous à être bousculé et à découvrir de nouveaux horizons, quitte à faire tomber vos certitudes. Et je me suis mise en garde. Exister, c'est difficile et courageux. Vas-y, papa, frappe-moi. Il savait que j'avais vraiment pas peur. Alors il s'est rassis. Qui sont-elles, ces femmes françaises d'aujourd'hui? Ces femmes françaises de demain? Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. Des femmes d'un dynamisme étonnant qui vous amène au-delà de la seule quête d'identité et de reconnaissance. Aussi, je voudrais clairement dire que je n'ai pas besoin de liberté. J'ai seulement besoin d'égalité. I ain't got no home. Ces femmes qui nous entraînent avec elles dans leur poursuite d'égalité. Une égalité qui part de soi pour aller à la rencontre de l'autre. Une égalité qui, avec cet ensemble bigarré, vibre de beauté. C'est dans les montagnes de l'Himalaya. J'étais donc en Inde, dans l'Himachal Pradesh, je crois que c'est ça. Je suis sortie de ma chambre, j'étais toute seule, et j'étais sur une petite terrasse, et là, j'étais entourée, mais vraiment de montagnes immenses, avec les neiges, enfin, je sais pas, enfin, ça m'a coupé le souffle. Une tempête à la mer, j'adore. C'est le fait qu'il y a tout le monde qui se déchaîne, et toi, t'es là. Dès que j'étais sous cette table, je me suis dit, un jour, quand je serai malheureuse, je retournerai à chaque fois sous cette table. J'irai me cacher et je continuerai à me raconter plein d'histoires. Les bus dans Paris. Parce que c'est quelque chose, ça va super lentement. Tu vois des paysages des fois et tu peux observer les gens. Parce que la plupart du temps, c'est des retraités qui prennent le bus. Quand je marche seule, je réfléchis beaucoup. Je pars toute seule. Et c'est quand je marche, en fait, donc c'est... Quand on est à l'église, on est seul avec Dieu. Et quand je suis sur scène, il y a des gens qui me regardent, mais... L'endroit où je me sens le mieux, c'est quand je suis dans une médiathèque. Oui, ça se mélange. Et aussi bien les vieux que les enfants, que les jeunes, etc., que les immigrés, que les... Et il y a une réelle envie d'être là, donc du coup, je trouve ça... ça me fait du bien. Ah oui, c'est dans ma voiture. C'est mon endroit intime où personne m'emmerde. Je fais ce que je veux, quand je veux. J'écoute la musique que je veux. Y a mon embout, mon chargeur. Tout est à moi. C'est mes bonbons. Il y a mes mouchoirs. T'es là, t'es dans le noir, t'allumes les bougies et tu regardes et tout. Enfin, c'est pas comme chez toi. La porte, tu peux la fermer. Alors que moi, chez moi, ma chambre, ma porte, je pouvais jamais la fermer. Zingele. Zingele. L'Antiquité confondait tout ce qui ne participait pas de la culture grecque sous le nom de barbare. La civilisation occidentale a ensuite utilisé le terme de sauvage dans le même sens. Or, derrière ces épithètes se dissimule un même jugement. Et il est probable que le mot barbare se réfère étymologiquement à la confusion et à l'inarticulation du chant des oiseaux, opposé à la valeur signifiante du langage humain. Et sauvage, qui veut dire de la forêt, évoque aussi un genre de vie animale par rapport à la culture humaine. Mais dans les deux cas, on préfère rejeter hors de la culture, dans la nature, tout ce qui ne se conforme pas à la norme sous laquelle on vit. Race et histoire, Claude Lévi-Strauss, ethnologue, sociologue et père du structuralisme en France. J'étais en classe de seconde et j'ai eu un prof de français génial. Le meilleur prof de toute ma vie. Il s'appelle Laurent Danchin et Monsieur Danchin m'a donné un viatique. Un viatique, à l'origine, c'était une somme d'argent que l'on donnait pour un voyage. Et le voyage, c'est celui de ma vie. Et la somme d'argent, c'est cette phrase qu'il m'a dite et que je n'oublierai jamais. Ludivine n'a jamais honte d'où tu viens. Et bien depuis, j'ai jamais eu honte. Et c'est ce prof qui m'a fait lire Race et Histoire de Claude Lévi-Strauss, un livre où j'ai compris que je venais du côté de la forêt. De la forêt sensible. Hein. Oui, je suis sensible. Et j'ai grandi dans un quartier sensible. Donc tous ceux qui viennent des quartiers sensibles, ils viennent aussi du côté de la forêt. Les immeubles, le béton, le goudron ne peuvent rien contre la forêt qui est en nous. La forêt qui remonte aux temps les plus reculés de l'histoire de notre humanité. Et en Guinée-Conakry, le pays d'où viennent mes parents, il y a un peuple qui s'appelle les forestiers. Et je suis originaire de Boulogne-Billancourt. Je viens de la cité du Pont de Sèvres, hein, pas du Boulogne-Chicos, un peu plus que Montreuil. Et je m'appelle Ludivine Fatoumata Binta Ba. Et mon père, il était ouvrier à la régie Renault. Mais il y a une chose qui est assez incroyable, c'est que mon père, il nous emmenait au musée, au théâtre, au cinéma. Et je ne sais pas d'où cette idée de la culture lui est venue. En fait, mon père, il sait. Il sait des choses, mais je ne sais pas d'où elles viennent. Il a quitté l'école à 12 ans. Et franchement, j'hallucine. Moi, j'ai été une élève studieuse. Et la coupure, elle s'est produite à la fin de la troisième. La plupart de mes copains de quartier ont été orientés vers des bacs pro. Et nous étions moins de 10 à être orientés vers un bac général, avec un seul garçon parmi nous. Et c'est à partir de là que j'ai rompu avec ma cité. J'ai arrêté de traîner avec les jeunes de mon quartier et j'ai préféré traîner avec les bobos de ma ville. J'étais devenue ce qu'on pourrait qualifier d'afropéenne, intellectuelle de gauche, bobo. J'ai des diplômes, j'aime lire, j'aime me cultiver et je fréquente des personnes qui ont cette curiosité. Je me sens aussi bien à l'aise dans un milieu bourgeois que dans un milieu de quartier. Oui, je suis devenue une sorte de caméléon. Avant, j'idéalisais énormément les classes, entre guillemets, dominantes. En fait, je me disais, s'ils ont l'éducation et l'argent pour pouvoir se cultiver, ben, ils doivent forcément avoir une plus grande ouverture d'esprit. Ben, j'ai vite déchanté, hein. Et c'est exactement le constat qu'a fait Proust en écrivant « À la recherche du temps perdu ». Il s'est rendu compte que tous les gens qu'il trouvait merveilleux étaient finalement de gros lourdingues. Et une fois, je suis tombée en kiff sur un mec qui lisait pas. Et quand je lui ai parlé d'À la recherche du temps perdu, il m'a parlé d'Indiana Jones. Et il confondait À la recherche du temps perdu avec À la recherche de l'arche perdue. Et son manque de curiosité a fait que je n'ai pas pu continuer. Mais c'est aussi là que j'ai compris que la simplicité de mon père, son intelligence forestière, étaient des valeurs dont je pouvais être fière. Connaissez-vous le mythe d'Ulysse ? Ulysse, le roi d'Ithaque. L'Iliade, l'Odyssée, la mythologie grecque. Bon. Ulysse part en voyage. Pénélope, sa femme, l'attend. Elle n'a aucune nouvelle de lui. Il ne lui envoie pas de mail. Pas d'SMS, pas de Snap, pas de WhatsApp, pas de message dans une bouteille à la mer ou avec un pigeon voyageur, rien, que dalle. Silence radio total. Alors, Pénélope, attends. Elle attend. Et ça dure des années et des années. Du coup, 114 prétendants se présentent à elle. Mais elle, Pénélope, c'est Ulysse qu'elle a dans la peau. Alors, elle dit à ses prétendants, « Eh oh, du calme les mecs, pas de panique. Je vais acheter un métier à tisser, je vais faire une tapisserie, et le jour où elle sera achevée, je choisirai le plus valeureux d'entre vous comme époux. » Mais Pénélope, c'est une petite maline. Elle voulait rester fidèle à Ulysse. Alors, chaque nuit, elle défait tout ce qu'elle a tissé le jour. Et ça dure pendant 20 ans. Et un jour, forcément, Ulysse revient. Il est le seul à pouvoir bander son arc et planter sa flèche dans la cible. Puis, il massacre tous ses rivaux. Le soir, quand il retrouve sa Pénélope, et après le repos du guerrier, « Oh, Ulysse !» Il lui raconte qu'il a vu d'incroyables paysages, traversé 1000 dangers, affronté 1000 épreuves, crevé l'œil d'un cyclope, résisté au chant des sirènes. Qu'il est là, Ulysse, il est en place, un héros. Mais lui aussi, c'est un petit malin. Il ne lui dit pas qu'il s'est mis à la colle avec Calypso pendant 7 ans, qu'il a épousé la reine Calydis, qu'il a fait une dizaine d'enfants à la sorcière Circé, Télégonos, Latinos, Agrios, Cassiphoné, Nosinos, Nositos, etc. Non, il ne lui dit rien. Et elle, Pénélope, elle est fière de son Ulysse. Mais en fait, toi, Pénélope, mais qu'est-ce que t'as foutu pendant toutes ces années ? Rien. Que dalle. T'as même pas été fichue de finir une tapisserie. Moi, je m'appelle Anissa. J'ai 28 ans. Je ne pense pas représenter une catégorie de personnes. En tout cas, pas les Pénélopes, ni les femmes voilées. En fait, je ne pense pas représenter une autre personne que moi-même. J'ai 5 enfants, Alia, Mohamed, Nour, Ahlem et Yamine. Je suis la seule de mon quartier à avoir fréquenté une école primaire de riches. J'étais perdue entre les Quentin, les Marie-Gabrielle, les Anne-Charlotte, les Anne-Périne, Leurs parents étaient tous avocats, chirurgiens, gastro-entérologues. Ils allaient tous au golf, au catéchisme, à l'équitation. Ils étaient tous habillés en sergent-major. Et à la récréation, on jouait au cheval. C'était moi le cheval. Marie-Gabrielle m'appelait Auckland. J'étais son Shetland. Mais elle me demandait de reproduire toutes les mimiques d'un cheval, alors que j'avais encore jamais vu de cheval de ma vie. Le dimanche, j'étais obligée de regarder le Tiercé Magazine avec Omar Sharif pour être un bon cheval le lundi pour Marie-Gabrielle. Un coup, opa. Deux coups, au trot. Trois coups, au galop. C'est bien, Auckland, mon cheval, Auckland. Mais heureusement que Auckland était là, car grâce à lui, je n'étais pas seule et sans amis à la récréation. Mais, après avoir été le cheval de Marie-Gabrielle, je n'ai plus jamais été le cheval de personne dans ma vie. Et le jour où j'ai eu ma première fille, Alia, je l'ai inscrite à l'équitation. Et je l'ai habillée en sergent-major. D'ailleurs, tous mes enfants sont inscrits à l'équitation et tous mes enfants sont habillés en sergent-major. On dirait des vrais petits Versaillais. Et quand je sors dans la rue avec eux, mais personne ne s'imagine que ce sont mes enfants. Oh, comme ils sont beaux! Comme ils sont mignons! Vous les gardez, hein? Dans ma tête, je me dis, espèce de bougre de j'en foutre. Je les ai portés pendant 9 mois. J'ai pris 30 kilos. Je les ai sortis sans péridurale. Et toi, t'arrives là et tu penses vraiment qu'ils sont pas à moi. Répète ça encore une fois et je te conchis toi et toute ta lignée. Je suis restée 8 ans à la maison pour m'occuper de mes enfants. Un jour, j'ai dit à mon mari, « Veux-tu t'occuper des enfants ?» Il m'a dit, « Mais pourquoi faire ?»« Eh, mais je m'appelle pas Pénélope, moi. J'ai envie de sortir, voyager, faire du théâtre, profiter de la vie comme tout le monde. » On a discuté, j'ai négocié. Il m'a dit, « Vas-y, va, profite, profite bien même. Bien sûr que je vais m'en occuper, tu crois quoi? C'est facile. » Avant, mon mari, quand il rentrait du travail, il pensait que j'avais passé la journée dans le canapé à regarder les feux de l'amour. Il a une tête de méchant barbu. Il fait peur. Mais c'est devenu un vrai papa gâteau. Il les lave, les habille, les coiffe, s'occupe du linge, du repassage, emmène le petit dernier à la crèche. Et maintenant, quand je rentre le soir, il est mort. Il est KO, le gars. Il sait même pas si son cœur bat encore. Oh non, mais non, non, Anissa, mais fais attention que tu marches là, je viens de passer la serpillière. Ah, c'est comme ça. Mais Ulysse, il a la mémoire courte. Il a oublié que lui rentrait avec ses grosses pompes dégueulasses sans même remarquer que j'avais lavé par terre. Sakura Kishimitsa. Kimi to haru ni negai shi ano yume wa ima mo miete iru yo sakura maichi ru. Je m'appelle Lorraine Dulimbois. Quand je dis mon nom au téléphone, tout va bien. Mais dès qu'on me voit, on me fait les yeux tout ronds. Parce que j'ai pas une tête à m'appeler Lorraine et pas une tête à m'appeler Dulimbois. Mes parents viennent de la Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est pas un pays. C'est une région ultra périphérique européenne. L'Europe, c'est grand, faut pas croire. Christophe Colomb abordant Guadeloupe le 4 novembre 1493. Les premiers habitants de l'île s'appelaient les Arawaks. Ils ont été massacrés en quelques décennies par les Caraïbes. Les Caraïbes, ont tué les Arawaks et puis ont violé leurs femmes et leurs filles. Les Espagnols ont tué les Caraïbes et puis ont violé leurs femmes et leurs filles. Les Français ont tué les Espagnols et puis ont violé leurs femmes et leurs filles. Les colons ont fait venir des esclaves d'Afrique et puis ont violé leurs femmes et leurs filles. Ma lignée est introuvable et je descends probablement d'un de ces milliers de viols. Et je suis un peu Arawak, un peu Caraïbe, un peu africaine, un peu espagnole, un peu anglaise, un peu française. Ok, ça fait beaucoup d'un peu. Et en plus, je suis membre de la communauté Paris Harajuku. Je m'habille en style Uchukei et Sweet Lolita. Je kiffe les vêtements en PVC ou en vinyle. Je mange des sushis, des dorayaki, des sashimi, des onigiri, des ramen, des tempura, des yakitori. Mais jamais de tofu, je n'aime pas les clichés sur la banlieue. Je veux respecter aucune règle. Même au sein de ma communauté Harajuku, je peux mettre un panafricain avec des collants à la mode japonaise. D'ailleurs, je fais partie d'un sous-groupe de filles noires Harajuku qui s'appelle les Kawaii Mélanine. Et j'aime aussi m'associer avec les Afropunks. Je veux pas que les autres sachent qui je suis à l'intérieur. Je suis une mosaïque kaléidoscopique. Regardez-moi. Vous me voyez ? Mais je ne suis pas telle que vous pensez que je suis. Je suis super visible pour être invisible. Ma mère est née au bled. Elle a toujours eu très peur de ce que sa famille pensait d'elle. Là-bas, on met toujours la pression sur les femmes. Elles doivent bien cuisiner, avoir un métier, s'occuper des enfants, rester super sexy. Si tu n'as pas de mari, tu n'es pas une vraie femme. S'il y a un manque d'argent, c'est à cause de toi. Si tes enfants sont mal habillés, tu es une mauvaise mère. Et si tu n'es pas soumise, tu es une mauvaise femme. Ma mère passe sa vie à se justifier, à prouver qu'elle a réussi sa vie. Moi, je ne veux pas me justifier. Je ne veux pas travailler dans un organisme national pour dire « Vous voyez, je suis française ». Les Antillais doivent toujours prouver qu'ils sont français. Alors qu'ils sont français depuis bien plus longtemps que la plupart des Français. Mais dans la rue, ils sont des Noirs comme les autres. Des potentiels sans papier. J'ai voulu en finir avec ces histoires de différence, ressemblance. J'ai choisi d'être différente de ma différence. Je vis dans un monde parallèle. Je m'appelle pas Lorraine Dulinbois. Je porte un nom secret que personne ne connaît dans ma famille. Je ne suis pas celle que vous voyez. Je suis une autre. Je est une autre. Je m'appelle Maureen, mais mon deuxième prénom qui est écrit sur ma carte d'identité, c'est Babohon. G-B-A-G-B-O-H-O-N. Il commence par un G qui se prononce pas. D'ailleurs, tout le prénom est imprononçable. Babohon. Longtemps, j'ai pas aimé ce prénom. Un jour, j'ai engagé des démarches pour le supprimer définitivement de ma carte d'identité. Ma mère m'a encouragée à le faire. Je suis allée voir un avocat et Il m'a dit que je devais justifier que personne ne m'avait jamais appelé Babon, et ce depuis mon enfance. Il me fallait retrouver des maîtresses d'école, des professeurs de collège, de lycée, des amis d'enfance, et rassembler leurs témoignages. Un vrai parcours du combattant. C'est alors que j'ai découvert que certaines tribus d'Afrique donnaient à chaque enfant le prénom d'un ancêtre pour le placer sous sa protection. L'usage de ce prénom est réservé à la famille et aux amis très proches. Il ne doit jamais être révélé aux inconnus. C'est un prénom caché, un prénom imprononçable. J'ai aussitôt arrêté mes démarches de peur de perdre la force protectrice de celle qu'on appelle Babon. En fait, ma mère, je ne comprenais pas sa culture. Dès l'enfance, elle avait fermé les portes à la Côte d'Ivoire. L'art est la chose la plus importante de ma vie. Chose que ma mère ne comprend pas. Mais là, je me cherche. En fait, voilà. Nous sommes de l'ethnie Bété. Les Bété sont un peuple où l'art est très important. Et sans doute, ce qui me rapproche de ce truc d'être noir. Appartenir à un autre pays. Vivre dans un pays qui n'est pas le tien, mais qui est le tien. Ma mère n'a pas idée de ce que je ressens. Il y a plein de choses qu'elle fait par survie. Là où je lui en veux. Bref. Dans ma famille, en fait, très jeune, c'était comme que les personnes qui sont le plus proches de toi. Et que c'est aussi celles qui peuvent être celles qui sont le plus loin, celles qui te rejettent le plus. Et que toi aussi, du coup, tu... Parce que le regard des autres, de la société, j'arrive pas. Enfin, c'est dur d'aller chercher dehors. De qui je suis et d'où je viens, j'en veux plus à ma mère, je suis triste pour elle. Elle est passée à côté de sa vie pour réaliser celle de ses enfants. Ses enfants qui l'ont trahie, d'ailleurs. Les enfants trahissent toujours leurs parents. Moi, j'ai envie d'avoir une vie à moi. Une vie que je me façonne pour moi. Et l'art, c'est peut-être l'endroit où je trouve un sens à ma vie. Je me sens différente de ma famille, mais en fait, je suis pareille. Je me cherche. Le sentiment de rejet, je l'ai ressenti beaucoup à l'extérieur, mais je l'ai ressenti encore plus fort dans ma famille. Tu te bats au sein même de ta famille, tu te bats dehors, dedans, tout tes ruptures. Et tu cherches un lien aux autres, à toi. En fait, se sentir rejeté dedans et dehors, bah... C'est juste, t'es perdu. Et tu te sens de nulle part. En fait, dis ce que je pense. Je suis de nulle part. Ouais, bravo. De nulle part. Super. Bravo! Ouais, super. Voilà ce que je fais à flamme, moi. N'importe quoi, de nulle part. De nulle part. On a payé 10 euros pour entendre des choses pareilles. Moi, j'ai payé 10 euros pour entendre des choses pareilles. Toi, t'es de nulle part. Bouge, comment ça, t'es. Ouais, bouge, bah vas-y. Je pars. Laissez-moi passer. Toi, filme pas déjà. Filme pas, commence pas. De nulle part. T'es vraiment de nulle part. Vas-y, là, si vous avez quelque chose à dire, il va vous dire. Elle a dit. Attends, non, il y a des limites. T'as quelque chose à dire? Mais descends, viens le dire en fait. Non, comment ça? Quoi? T'as un problème? Dis ce que je ressens. D'accord. Ce que tu ressens, mais c'est faux. Dire que t'es nulle part, c'est n'importe mais quoi. Dire que je suis nulle part, c'est dire que je suis partout. Elle est partout, mais elle est pas partout, elle est là. On est en France. Attends, on est en France. Attends, on est en France. Moi, je suis en France parce que ma mère m'a construit en France. D'accord. Mais tu n'aurais pas besoin pour toi ailleurs. Ouais, vas-y, je sors. Non, mais vous me remboursez moi, mais j'ai pas mis 10 euros pour rentrer. Mais non, mais attendez, pause. Mais j'avoue, elle a raison en fait. De tout à l'heure, je l'écoute. Mais ton discours. n'importe quoi. Tu dis que t'es partout, que t'es nulle part, mais... Attends, mais il faut arrêter, toi. Mais Claire, c'est moi qui tire, c'est que j'appartiens à Athènes, nous allons prendre ça. Parce que c'est à cause de tous mes problèmes. Donc toi, j'appartiens au monde. Non, mais écoute, non, mais écoute, meuf, s'il te plaît, arrête de te faire toute seule. T'es ici, t'es pas nulle part, tu comprends pas ou quoi? Ça veut dire quoi, ça? Non, Maureen, tu parles quelle langue? Dis-moi, tu parles quelle langue? Tu parles français, non, Maureen? Mais où t'es? On va te demander d'où tu viens, tu vas pas dire je viens de nulle part, c'est bon, Maureen. Mais Maureen, elle a raison. Tu peux pas être de nulle part. Déjà par ta couleur de peau. Tu peux pas être de France. Voilà. Comment ça, par ta couleur de peau, tu peux pas être de France? Moi, je suis pas de nulle part, moi, je suis d'ici. Toi, t'es d'ici. Mais oui, moi, je suis d'ici. Et si moi, je suis d'ici, toi aussi, t'es d'ici. On est pareil, on a la même couleur de peau. Mais votre couleur de peau, elle indique une autre destination. Quoi? Bien sûr que oui, une couleur de peau marron ou café au lait, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais ça inspire pas la France. Attends, bien sûr. Ça inspire pas la France, mais pas pour ce que tu dis, toi. Mais ça, quand tu vois un noir, tu dis pas forcément qu'il vient de France. Ça inspire l'Afrique. Pardon? Oui. Et la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, on est tous foncés de peau là-bas, s'il te plaît. Et toi, t'es d'où? Ouais, t'es d'où? Toi, t'es d'où? Bah, moi, d'ici. Ah, d'ici? Bah oui, quand, moi, quand on me regarde... Ah, genre, toi, t'es française? Bah oui. Parce que tu crois que ta tête, elle m'inspire la France? Bah, bien sûr. Moi, quand je te regarde, ta tête, elle m'indique une autre destination. Bah, non, mais déjà, pourquoi? Juste, dis-moi, pourquoi? Pourquoi, quand toi, on te regarderait, on penserait que t'es d'ici, et nous, d'ailleurs? Je vais t'expliquer. Moi, quand on me regarde, il y a le doute. Mais quel doute? Mais regarde-toi, mais c'est pas possible. Non, mais... Viens là. On n'est pas sûr que je vienne d'ailleurs. Mais regarde-toi, s'il te plaît. Mais peut-être que j'ai bronzé. Mais regarde-toi, là. J'ai les yeux verts. Et alors? Et alors? Bah, j'ai un nez. Waouh, super. J'ai un nez aussi, hein. J'ai un nez. Voilà, wow. J'ai un nez aussi, hein. J'ai un nez fin. Ah ouais, ah. D'accord, attends. Va jusqu'au bout de ton raisonnement, là. Ça veut dire quoi, ça? Donc, nous, on a le nez épaté, on a les yeux verts. Ah, les meufs! Vous êtes toutes des renards contre une arabe, arrêtez! Enfin, ah, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Moi, je suis pas une arabe, moi! Comment ça, t'es pas une arabe? Bien sûr que si, t'es une arabe! T'es malade ou quoi? Eh, hey, on n'est pas contre elle, on est contre son discours. T'as entendu ce qu'elle a dit, elle peut pas comprendre. Mais c'est pas question arabe, j'ai juste une tête qui passe mieux, arrêtez les meufs! Attends, mais. Bien sûr! Mieux, mais ça veut dire quoi, mais? Bah oui, t'es les meufs! Ça t'approche à toi! Mais bien sûr que oui, nous on peut être italiennes, bien sûr! Tu veux? On peut être du sud! Regarde-toi, s'il te plaît! Eh, les gens, ils préfèrent une italienne à une africaine! Mais là! Moi, je cherche un taf! Demain j'ai un taf. Nous on a pas. Mais n'a pas. C'est pas méchant. Mais c'est pas pareil que quand t'es comme moi. Mais faut voir quel taf tu trouves aussi. Oui, parce que tu vois, moi, j'ai pas envie de changer les vieux dans les maisons de retraite. Surtout tu t'appelles Anissa. Hein. D'accord. Mais quand je suis chez les Français, je dis Vanessa. Voilà, mais attends, mais déjà, mais pourquoi tu changes ton identité? Mais parce que ça t'aide à trouver, parfois. Mais arrête, meuf, c'est parce que t'assumes pas qui tu es, t'assumes pas. Tu dis Anissa vite fait, ils comprennent Vanessa, ça passe. Moi, moi j'ai une patronne. Pendant 10 ans, elle m'a appelée Vanessa. Ah, bah oui. Mais oui, mais c'est juste que t'as particulé, c'est bon. Mais même mon mari, elle l'appelait Marcel. Ça, vachement. Ils comprennent pas, ils disent Vanessa, Marcel. Mais t'assumes pas. Mais. Quand t'es noir, au moins, c'est clair. Y'a pas de jeu caché. Quand t'es noir, c'est différent encore. Quand t'es arabe, c'est pire. Pardon, vous savez très bien. Vas-y. Mais bien sûr, vous savez très bien. Tu parles des attentats. Mais bien sûr. Et moi, j'ai jamais été victime de racisme. Ouais, attends, Anissa, la dernière fois dans le train avec ton foulard, on t'a traité de sans-papier. D'accord, mais ma tête. Vas-y, arrête, t'es pas crédible, sœur. Tu sais très bien que t'es une arabe. Mais arrête. En vrai, tu veux pas être une arabe. Pourquoi tu veux pas être une arabe alors que t'as mis le voile? Mais arabe et voile, ça n'a rien à voir, chérie. Mais pour les gens, si, Anissa. Non, pour toi. Mais pour tout le monde. Il y a des Françaises convertis. Arrête, Anissa, tu sais très bien que t'es pas une Française. Mais t'es malade ou quoi? Je suis française, j'ai ma carte d'identité. Non, sont pas les couilles, la carte d'identité, c'est bidon, ça. Mais attends, meuf. T'as toujours pas compris ou quoi? Cyril allait rejoindre le clan des renois. J'ai pas les cheveux bouclés. On s'en fout de tes cheveux, Anissa. Moi, je me brosse les cheveux avec une brosse normale. Quoi? Ça veut dire quoi? Ah ouais. Moi, j'ai pas besoin d'aller à Château Rouge pour aller chercher mes shampoings. J'ai fait à Hyper U, c'est tout. Bien sûr. Écoute, meuf, je te signale qu'à Hyper U, ils vendent bien du shampoing dans le karité, hein. Toi, chérie, t'as les cheveux bouclés. Mais alors, j'ai les cheveux bouclés. Il y a des Françaises, elles ont les cheveux bouclés aussi. Bah, moi, je me brosse les cheveux avec un peigne. J'ai les cheveux lisses. Mais arrête, Vanessa, t'es pire que moi. Je me brosse même pas les cheveux déjà. Et moi, au moins, je veux me faire une queue de cheval. Hein. Moi, c'est ce que je suis en train de te dire. Moi, j'ai pas besoin ni brushing ni rien. Mais toi, ça y est. T'as les cheveux lisses, t'en peux plus. T'es au bout de ta vie. Bah, bien sûr. Hey, mais calme-toi, ça veut rien dire les cheveux lisses. Arrête, Vanessa, s'il te plaît. Arrête, s'il te plaît, tu t'affiches, arrête. Arrête ta bouche. Non, mais toi, la France, elle t'a tué, hein. Tu sais ça? Eh, hey, mais toi, quand t'es noire, la France, elle t'a tué aussitôt. Mais quand t'as pas le foulard et une tête un peu passe-partout, comme moi, t'es moins victime de racisme qu'une noire. Ah, donc toi, Comme t'as une couleur de peau qui passe mieux, t'as plus le droit d'être une Française, c'est ça? T'as tout compris. Mais c'est ce que je me tue à vous expliquer depuis tout à l'heure et vous me prenez la tête. Non mais attendez, non mais toi dis-moi, la France elle a fait pipi dans ta tête ou quoi? Eh, c'est bon, on a compris, ok, c'est bon. Arrête, Anissa, t'as le poil, arrête. J'ai pas le poil, arrête. Arrête, t'es pas sérieux. Arrête, arrête, Avant, je levais jamais la main en classe quand ils demandaient qui est français. Personne ne levait la main. Du coup, moi, je levais pas la main. Il y avait déjà un problème à cette époque. Mais je savais pas encore lequel. J'ai 19 ans. J'habite à Montreuil dans le 9-3. Quand j'avais 9 ans, je voulais être un garçon. Je me disais, c'est sûrement mieux. J'avais que des grands frères. Je faisais tout comme un garçon. J'aimais bien être une fille. Mais si on m'avait dit, tu fais tel truc, comme une fille, parce que t'es une fille, ça m'aurait blessée. Ça aurait été une insulte. J'en aurais pleuré même. J'étais dure. Je faisais la chef avec mes copines. Toi, tu joues pas. Et j'organisais des courses contre les garçons pour leur montrer que je courais plus vite qu'eux. Je me laissais pas faire. Et j'avais un meilleur ami, il s'appelait Dylan. Et le jour où j'ai appris qu'il était amoureux de moi, je suis allée le voir. Je lui ai cassé deux dents. Je voulais pas être un garçon. Mais il fallait pas que je sois une fille comme les autres. Ouais, ça c'était un compliment. Ne pas être comme les autres filles. Quand je me battais contre mes frères, ils me donnaient des coups. J'avais mal. Mais je disais rien. J'encaissais. Et du coup, au collège, j'étais vénère contre tout le monde. Les profs, la famille, le quartier, tout le monde. Mais ma mère, elle me poussait toujours à l'école. Inès, premier, moi, je veux que mes enfants aillent à l'école. Chaque matin, je me réveille et je demande à Dieu que mes enfants n'ont qu'à avoir la tête pour réussir. Moi-même, je suis partie à l'école. J'ai fait CP1, CP2. Mais chaque fois, je tombais malade. Je suis partie voir professeur Dirassi. Il m'a dit, quelqu'un a fait quelque chose contre toi. Quelqu'un a volé mon intelligence parce que j'ai fait l'école. Mais j'ai tout oublié. Mais quand même, j'ai la tête. Et puis, on est venu ici, là. Ce n'est pas pour pousser, poussette des enfants des gens. Moi, ce que je fais, je veux pas que mes enfants poussent, poussette aussi. Hein? Hein? Hein? Moi, à l'école, j'explosais. C'était catastrophique. Je répondais. J'avais des automatismes de défense. Je me sentais toujours agressée. J'étais insolente et rebelle. Mais j'arrivais toujours à avoir 14 de moyenne. J'avais fait ma primaire dans une école, pas en ZEP. Et du coup, j'avais des restes de bonnes bases. Mais ce que je détestais le plus, et ce qui me révoltait le plus, c'est ce côté... T'es noire, t'es pauvre, donc tu fais de la peine. Ou le regard que certains de mes profs avaient sur moi. Je suis partie dans un club de basket à Vincennes, une ville un peu plus que Montreuil. Il y avait presque que des blancs. Ils ont voulu recruter des noirs et des arabes pour leur qualité physique. Mon amie à moi, elle n'avait pas assez pour payer les 264 € de la licence. Et la directrice a dit à son père, « Oh, mais il n'y a pas de souci, monsieur. Si vous voulez, on peut s'arranger. Elle peut faire le ménage. » Son père, il a regardé, il a dit, « Non, c'est bon. On va se débrouiller. On va payer. » Elle n'aurait jamais dit ça à une Laure ou à une fille du coin. Et en plus, On trouvait ça super cool qu'elle vienne nous chercher en voiture à la sortie du collège, à Montreuil. Mais on a vite compris. Elle avait juste besoin de nous. On était fortes. Mais on était quand même vues comme des petites Africaines de Montreuil. Mais vos parents ne viennent pas vous voir jouer aujourd'hui, les filles? Sans parents pour les accompagner à leur sport, mais qui jouaient bien et qui remontaient le niveau de l'équipe. En fait, toute ma vie, j'ai eu l'impression de faire pitié. Et là, aujourd'hui, sur cette scène, j'ai pas envie de faire pitié. Allô, dame. Bonsoir, chérie. C'est maman. Ça fait 10 fois que je t'ai appelé, mais j'ai laissé un message, tu m'as pas répondu. Si c'est bien, quand je n'entends pas, je m'inquiète. Tu m'appelles, même si n'importe quelle heure, tu m'appelles. D'accord? Faites-moi un signe. Bisous, chérie. J'espère que tu es bien. Dan, c'est moi. C'était la voix de ma mère. Elle m'appelle tout le temps, ça m'agace. Je m'appelle Dana, en fait. Mes parents viennent d'Haïti. Et avant, quand j'étais petite, je croyais qu'on était des aliens. Moi, ouais, qu'on habitait à Haïti avec Haïti l'extraterrestre. Téléphone, maison. Allô, Dan. Bonsoir, chérie. C'est maman. Ça fait 10 fois que je t'ai appelé, mais j'ai laissé un message, tu m'as pas répondu. Ma mère s'inquiète toujours pour moi. En général, elle me parle en créole, mais sur mon répondeur, ses messages, toujours les mêmes, sont toujours en français. Moi, j'ai pas une histoire déchirante à vous raconter. Vous voyez les trucs dans le genre. Je porte un lourd fardeau. Nous sommes issus d'un peuple qui a beaucoup souffert. La tragique histoire de ma mère, la tragique histoire de mon père, la tragique histoire de ma grand-mère, la tragique histoire de mon grand-père. Rien de tout ça. Mon prénom Dana sort tout droit de la série télé Notre Belle Famille, qui raconte, en 160 épisodes, les péripéties d'une famille recomposée, les Foster et les Lambert, avec 3 enfants de chaque côté qui parviennent pas à s'entendre. Dana, c'est la fille aînée de Carole Foster. C'est une élève brillante, sûre d'elle, très fière, qui, sous une apparence un peu froide et prétentieuse, est douée d'une certaine sensibilité et d'indéniables qualités humaines qui font d'elle un personnage attachant, qui rend facilement service et se consacre bénévolement au foyer des pauvres. Mon portrait tout craché, quoi. Non, en réalité, je suis archi névrosée. À cause des avions qui décollent et atterrissent toutes les demi-heures. Ils sont là, à peine à quelques dizaines de mètres au-dessus de notre immeuble. Et franchement, ça nous rend tous dingues. Les avions, c'est départ, arrivée, départ, arrivée. Tous les jours, tous les jours. J'ai l'impression d'être tous les jours en voyage. Mais je voyage jamais. J'habite à Garges-lès-Gonesse, juste à côté de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Je suis une gargeoise pure race. Tous les jours, je vais à la gare. Je prends le RER dans un sens et le soir, je le prends dans l'autre sens. Je prends jamais l'avion. Il m'arrive jamais rien d'intéressant. J'ai rien à raconter. Rien de palpitant. Pas d'ouragan. Pas de cyclone. Pas de tremblement de terre. Climat océanique dégradé, caractérisé par une certaine modération. Comme le climat, je suis modérée. Basique. Banal, quoi. En fait, je me rends compte que la personne qui est ici devant vous n'est rien d'autre qu'une petite Française moyenne. L'auteur du coup de feu mortel, le vigile de Romarchuk, a donc été interpellé et placé en garde à vue ce matin au SRPJ de Versailles, chargé de l'enquête. Vous l'imaginez, la cité des Indes de Sartrouville, ce quartier populaire de plus de 10 000 habitants, s'est réveillée en état de choc ce matin après les scènes de violence de la nuit. Je vous propose d'écouter la réaction d'un responsable d'association de jeunes du quartier, recueilli par Caroline Coldefy. Notre sentiment, c'est que vraiment, c'est une profonde injustice et qu'il y a là vraiment une forte émotion dans toute la communauté des jeunes, tous jeunes confondus, et que nous considérons par ailleurs que les pouvoirs publics n'ont pas pris en compte le milieu associatif important à Sartrouville, et nous avons construit ça. Malheureusement, nous n'avons aucune réponse, et les réponses, disons, qui sembleraient positives, sont arrivées trop tard. Aucune réponse n'est arrivée. Malheureusement, les réponses arrivent trop tard. Malheureusement, les réponses arrivent trop tard. C'est la voix de mon père. En 1991, il a été un jeune de banlieue. Et si ce vigile l'avait assassiné, je ne serais pas sur cette scène aujourd'hui. Mais je suis là. Ma grand-mère, la mère de mon père, elle a jamais dit de mal des Français. Elle a seulement juré de ne jamais parler français. Et a refusé que mon père épouse la Française qu'il aimait. Elle l'a mariée de force avec une cousine d'Algérie. Et le 4 décembre 1987, tu es née. Aussi belle que je t'avais imaginée. Tu m'as apporté le grand sourire, m'écrira plus tard mon père. Leur mariage n'a pas duré. Je suis la fille d'un amour contrarié. Mon père m'a saoulée avec Barry White. Je pense qu'il serait fier de me voir sur cette scène aujourd'hui. Je dis « je pense » parce que voilà 10 ans qu'il ne m'a plus jamais prise dans ses bras. J'avais 18 ans. J'avais peur qu'il m'arrive ce qui est arrivé à mon amie Leïla, qui du jour au lendemain a disparu du lycée. Parce que elle était enceinte. Moi, je prenais mes précautions. Mais le jour où mon père a découvert la vérité, il a dressé un mur entre nous. Il m'a écrit « À partir de maintenant, va vivre chez ta grand-mère. » Que peut l'amour d'une fille contre la colère d'un père ? Ma grand-mère m'a appris l'arabe. Je lui ai appris à compter. Elle vient de Biskra, aux portes du désert. Quand elle était petite, les caravaniers s'arrêtaient tous les ans. Ils apportaient des épices, des tissus, des objets, des vêtements. C'était la fête. Et les tatoueuses du Sahara frappaient aux portes pour réaliser des tatouages magnifiques. Parce qu'à l'époque, une femme sans tatouage n'était pas une femme. Ma grand-mère s'est fait tatouer sur le front ce motif. Personne n'en connaît la signification. Un mythe raconte que certains tatouages avaient le pouvoir de protéger les jeunes filles vierges, des soldats français. Celui-ci est inscrit à jamais sur sa peau, et sur la mienne aussi, là. Et sur celle de ma sœur. C'est un lien entre ma grand-mère, ma sœur, moi, et le désert. Pour ma grand-mère, le temps s'est arrêté. Elle attend que je lui présente le caravanier qui viendra lui demander ma main. Mais moi, j'esquive toujours. J'ai bien retenu la leçon de mon père. Ne pas dire ce que l'on pense. Ne pas blesser l'autre. Lui dire ce qu'il veut entendre. Lui montrer ce qu'il veut voir. Perdre sa spontanéité. Pour garder l'amour de ma grand-mère, j'évite les sujets qui fâchent. Je préfère la regarder préparer la marjouba de Biskra. C'est mon plat préféré. J'adore ce plat parce que ça arrache. Faut le manger direct quand il sort du feu et qu'il est encore brûlant. La dernière marjouba que j'ai mangée, c'était il y a 4 ans. Je suis arrivée chez mamie et je la sentais fatiguée. Je lui ai dit « Mamie, mim ti arouahi, ndirou l'marjouba ?» Elle m'a souri. J'ai découpé avec elle les tomates, les oignons, les piments. Puis, je l'ai regardée faire. Sa dernière façon de travailler l'urgine, la pâte. Sa dernière façon de la passer d'une main à l'autre. De la faire danser sur ses avant-bras. La dernière fois qu'elle la pose sur une tawa brûlante. Une marjouba un peu plus tremblante que d'habitude. Une marjouba qui avait un autre goût. Pas si piquante. Pas si vivante. Nous savions toutes les deux qu'elle ne me ferait plus jamais de marjouba. Et que je lui présenterais jamais de caravanier. L'histoire était écrite. Par les gestes. Par les regards. Par les silences. L'histoire de deux femmes. L'une qui, après sa journée de ménage chez les autres, se retrouvait seule dans sa cuisine. Pour retourner dans le désert de ses ancêtres et faire les mêmes gestes que sa mère, les mêmes gestes que sa grand-mère. Et l'autre, sa petite fille, Anissa, qui veut dire la femme, qui est allée à l'école, au lycée, à l'université, qui parle et écrit plusieurs langues et qui aime seulement faire des dessins dans l'air. Parce que la marjouba, elle préfère la manger que la faire. Je m'appelle Shirin. J'ai 21 ans. J'ai commencé le karaté à l'âge de 3 ans. C'est mon père qui a choisi ce sport. Il s'inquiétait pour moi. Il avait peur que je me fasse violer dans la rue. Et il voulait que je puisse me défendre. Maintenant, je suis ceinture noire. Et je vais vous montrer ce qu'il faut faire quand un violeur s'approche de vous. Alors, il y a un coup de pied qui fait très mal si vous touchez les parties génitales. Hein. C'est un coup de pied qui part du bas vers le haut et remonte avec vigueur. La cuisse très ferme et la jambe la plus droite possible. Pour que la douleur soit la plus atroce possible. Faut avoir aucune compassion pour les violeurs. Ensuite, il y a le coup de poing à la glotte. Très efficace. C'est très sensible, la glotte. Le violeur aura très mal. Il pourra plus respirer. Et tombera dans les pommes. Et pour finir, je vous propose un petit coup de pied circulaire dans les côtes. Ça lui fera pas de mal. Et pour les plus récalcitrants, je vous propose la totale. Moi, je me suis jamais servi de ces coups. C'est la peur qui provoque la violence de l'autre. Si vous n'avez pas peur, personne ne vous fera de mal. Un jour, on était à table et j'ai dit à mon petit frère, « Lève-toi, débarrasse avec nous. » Et mon père a dit, il ne débarrasse pas. C'est pas à lui de débarrasser. Comment ça, c'est pas à lui de débarrasser? J'ai commencé à péter un plomb. Et il s'est levé pour me frapper. Et là, j'ai vraiment pété un plomb. Je lui ai manqué de respect. J'avais jamais manqué de respect à mon père. Je suis partie dans une folie. Cette folie-là, c'était à cause de ma mère et de son histoire avec mon père. C'était leur folie. Et je lui ai dit, tu veux me frapper? Tu peux me frapper? Frappe-moi. Moi, j'ai pas peur de tes coups. Si pour toi être un homme, c'est de frapper une femme, alors frappe-moi. Je me suis plantée devant lui. Il a vu dans mes yeux. J'avais le regard noir. Même ma mère ne m'a pas reconnue. Et je me suis mise en garde. Bah la garde. Maintenant, papa, frappe-moi. Vas-y, papa. Frappe-moi. Je serrai mes poings. J'avais envie de le frapper. Mon père m'a regardé et il savait que j'avais vraiment pas peur. Alors il s'est rassis. Ensuite, Je suis allée voir ma mère dans la cuisine. Et la première chose qu'elle m'a dite, c'est... T'as vu ? Quand un homme a peur, il se rassoit. Mais oui, maman. Un homme, c'est un être humain comme les autres. Le soir, mon père était vraiment mal. Je m'en suis voulu. Mon père a toujours donné son meilleur pour moi. Et cette force que j'ai en moi, c'est lui qui me l'a transmise. Et le premier homme contre qui j'en ai usé, c'était lui. Alors je suis allée le voir. Et pour la première fois de ma vie, je lui ai dit, tu sais, papa, je t'aime. Et il m'a répondu, va dans ta chambre, ma puce. Le temps passe. Un premier enfant de la Révolution vient au monde. C'est Jamila, une fille. Mais Jamila ne survit pas. Et ma mère est triste. Si triste qu'elle ne peut plus avoir d'enfant. La famille de mon père dit... Oh ! Faut la répudier, là ! Et te marier avec une autre ! Mon père répond, mais c'est ma femme et je la garde. Je vais aller en France et trouver un remède pour la guérir. Alors il part et ma mère attend, attend, attend. 2 années passent, il ne revient pas. Les mauvaises bouches parlent. Il a dû épouser une Gawaria. Oui, une Française. Il t'a trahi. Ma mère répond. Ch'tewela. C'est mon mari. Aucune femme ne me le prendra. Et elle part, elle retrouve à Paris. Et au premier regard échangé, elle a tout compris. Il n'a pas épousé de Gawaria. À l'indépendance, les hommes et les femmes s'aiment pour toujours. Il a trouvé les médecins. Ils ont soigné ma mère. Nous sommes trois sœurs. Nous grandissons. Nous décrochons notre bac. Ma mère est fière de nous. Et mon père comprend que si nous aimons le pays de nos parents, ni mes sœurs ni moi n'irons vivre en Algérie. Je deviens une femme. Je crois en Dieu. Je fais la prière, je fais le ramadan. Je fais attention avec les hommes. Les hommes me regardent. Ils ne me touchent pas. J'ai 20 ans. J'attends mon prince charmant. Les hommes me regardent. Ils ne me touchent pas. J'ai 25 ans. J'attends mon prince charmant. Les hommes me regardent. Ils ne me touchent pas. J'ai bientôt 30 ans. J'attends mon prince charmant. Et un jour, dans le métro, nous sommes serrés les uns contre les autres. Un homme me demande s'il peut poser sa main sur mon dos pour ne pas tomber. Je ne me retourne pas, je réponds oui. Au moment où sa main me touche, j'ai une sensation de douceur incroyable qui monte des pieds à la tête. Je ne sais pas ce qui se passe. Mon cœur bat fort. Je suis feu. Je suis flamme. Nous descendons à la station suivante. Le wagon se vide. Nous sommes seuls sur le quai. L'homme est debout près de moi. Nous nous regardons. Il est beau. Je suis paralysée. Je sais pas ce qui se passe. Mon cœur bat de plus en plus fort. Nos lèvres se rapprochent. Et quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. C'est la première fois de ma vie que j'embrasse un homme. Je suis comme dans un rêve. L'homme écrit son numéro sur un papier. Il me le donne. Nous partons chacun de notre côté. J'ai perdu le papier. Si cet homme est dans la salle, qu'il se lève. Ça a l'air marrant. En plus, j'ai déjà des idées de prénoms et tout. pense qu'avant d'être maman, il faut d'abord avoir réglé tous ces problèmes. Je sais pas, elle est pas trop derrière moi, en fait. Mais c'est vrai qu'elle aime bien dire « Oh, tu es mon espoir », des trucs comme ça. Et j'aimerais offrir à mon enfant la liberté qu'on m'a pas offerte. Oui, maintenant, oui, je me vois mère. Quand je vois les mères, tu donnes tellement. Quand je serai grande, je serai maman et j'aurai plein d'enfants à adopter. Que l'idéal, ce serait d'avoir un enfant, mais avec limite, si je suis plus avec le père, ce serait vraiment chouette. Parce que du coup, l'enfant pourrait aller de temps en temps chez le père et je ne serais pas tout le temps obligée de l'avoir. Alors que déjà, pendant 9 mois, tu n'as pas pu manger de sushis. Mais peut-être qu'elle a confiance en moi, elle a vu comment j'étais, en fait. J'aimerais pas leur transmettre ma peur du monde. Je suis fière d'eux et je pensais pas qu'on pouvait aimer une personne à ce point-là, en fait. J'ai pas à rester à la maison occupée d'eux, genre, non. Oh, t'as un côté maternel. Mais moi, un enfant à moi. On dirait une maman. En fait, j'ai peur. Et moi, j'aime pas. Ça me fait pas rêver, quoi. J'aimerais bien avoir des enfants, mais... Je pense que de nos jours aussi, c'est très difficile d'être une maman. Le trop d'amour de ma mère, c'est le fait que je veux la rendre trop. Que oui, en fait, ma mère m'avait aimée, mais pas sous une forme classique. Parfois, je les regarde, les cinq, surtout que maintenant, ils ont grandi. J'ai l'impression qu'elle voit à travers ça, moi ce qu'elle aurait aimé faire. Je me dis, c'est à moi. C'est à moi. C'est des miens. Je sais pas comment ma mère, elle a fait pour avoir autant d'enfants. Ma mère, elle s'est pas donnée d'amour. Elle en a pas reçu. Enfin, voilà, l'affection, etc. C'est pas le temps maternel, je l'ai, je le sais. J'aimerais partager des choses avec eux. Enfin, surtout communiquer. Je sens une petite pointe de culpabilité. Celle de pas tout lui dire. Parler avec eux, leur... En fait, tu fais son parcours à elle avec mes passions à moi, en fait. Leur transmettre... J'étais un enfant qui faisait un enfant, mais je voulais pas être une cassos qui fait un enfant. Avant de penser au beau bébé, il y a la souffrance, il y a les 9 mois, il y a l'accouchement, tout je ça. Je ne veux pas que mon corps se transforme comme quelque chose de... Mais bon. Je suis vampirisée, ouais, que je sois stratégique, par les gens en fait, que j'aime. Moi, je vais être une mère. Et elle, je sais que ça lui fait mal de pas... Des fois, j'ai souhaité sa mort. Pourtant, je l'aime, mais c'est ma mère. Mais des fois, finalement, on fait toujours du mal. En fait, j'ai peur de faire du mal. Vraiment. Son amour a été... Ça a été très, très étouffant. Et, Son amour pour nous, il me tue un peu. C'est trop. Habi, ben le kabar wahina. Habi, tu démon, ma fée ou quitter ce tino nuit là. Hein? Fais le maghreb, ma trojesh. Habi, c'est rien, tu m'y hérite. Habi, où calé? Où la sortir? Habi, t'as pas intérêt de sortir et fais-lui dehors. Habi, et pour Habi, on t'y a tout calé, puis même encore. Habi, on t'en a la maison. Habi, on t'en dit à la maison. Habi? C'est moi. J'habite au Val-Fouré. Quand tu habites au Val-Fouré, que tu es une fille, tu dois te battre sans cesse. Un jour, j'en ai eu marre de me battre. Et je me suis enfuie de la maison, comme une voleuse. Je n'ai pas eu le courage de leur dire bien en face. Vous que j'aime et qui m'aimez, je vous le dis, je pars. Je vous quitte. Je me tire, je me casse. Je ne supporte plus d'être dans votre prison pleine d'amour. Votre amour me prend à la gorge et il m'étouffe. Vos coutumes, vos traditions, vos racines, votre histoire, tout ça m'assassine en silence. Moi, je prends la poudre d'escampette. Je file à l'anglaise. Je prends mes jambes à mon cou. Je ne sais pas où je vais, mais c'est sûr, il faut que je me barre. Et je suis partie, lâchement. Sans rien dire. Mais pour partir lâchement, j'avoue, il faut beaucoup de courage. Je vous jure. Beaucoup de courage. Maintenant, je vais vous raconter une histoire. Et cette histoire, vous vous en doutez, n'a rien à voir avec moi. C'est un conte. Une fiction. Mais attention, pas un conte de fées. Un conte de sorcières. Donc, il était une fois une petite fille qui avait 4 ans et demi. Sa mère l'avait emmenée en vacances au bled et c'était la première fois qu'elle y allait. Et les cousins, les cousines, les gens dans la rue, tout le monde était très content de la voir. Ils lui donnaient des gâteaux, des bonbons, des sucreries et elle était très contente. Elle est revenue. Elle avait passé des superbes vacances. Et tout allait bien pendant des années et des années. La petite fille est devenue une jeune femme. Et la jeune femme avait une intuition. Les femmes ont beaucoup d'intuition, c'est bien connu. La jeune femme, quand elle repensait à son voyage au bled, elle n'avait aucun souvenir. Elle trouvait ça bizarre. Elle se doutait bien qu'il s'était passé quelque chose là-bas, mais elle ne savait plus quoi. Et pendant des années et des années, elle est restée dans l'ignorance. À 20 ans, elle voit un documentaire avec sa mère. Et ce qu'elle voit la dégoûte, l'écœure, lui donne envie de vomir. Et soudain, la petite fille revient du passé, comme un fantôme. La jeune femme pense aussitôt à sa sœur et demande à sa mère, « Hé, est-ce que vous l'avez fait à ma sœur ?» Et la mère lui répond, « Oui, on l'a fait à ta sœur. À toi aussi, on l'a fait. À moi aussi, vous l'avez fait ? Mais j'étais même pas au courant. » Et là, franchement, comme une Gauloise, le ciel lui tombe sur la tête. Elle fonce dans la salle de bain, elle s'enferme à clé, elle vérifie. Elle veut voir ça de ses propres yeux. Elle fait un peu des acrobaties parce que c'est pas facile de regarder à cet endroit-là. Et ce qu'elle voit, c'est rien. Elle regarde encore, elle examine, elle touche, mais elle ne voit rien. Et pour cause, il n'y a rien à voir. Et quand même, c'est quelque chose de se dire que ce rien qui n'est pas là devrait être là. Sa mère lui a menti, elle s'est trompée. Normal. Ce qui est parti ne se voit pas, puisque ce n'est plus là. Et la jeune femme est dans une inquiétude terrible. Une semaine après, elle a rendez-vous avec le médecin qui s'occupe du rien. Et là, oui, en effet, mademoiselle, en effet, vous avez été... On vous a... Vous n'avez plus... Il vous manque. Et tout à coup, la jeune femme voit un rouge. Du sang rouge qui revient d'un coup, en flaque. La petite fille avait eu de la fièvre. Beaucoup de fièvre. Elle a failli mourir. C'est ce qu'elle a cru comprendre. Mais tout ça est très flou, très vague. Aucune image ne lui revient. Seulement des sensations. Elle essaye de se souvenir. Elle fait des efforts. Mais rien. Rien. Il ne lui reste rien. Ni dans la chair. Ni dans la mémoire. On lui avait tout coupé. Sa chair et sa mémoire. Elle a vécu pendant 16 ans avec quelque chose en moins sans jamais le savoir. Personne ne lui a rien demandé. Elle n'a pas eu le choix. Elle est sortie du cabinet. Elle avançait dans la rue. Et elle était seule au monde. Et elle marchait, les poings serrés. Et franchement, ce jour-là, fallait vraiment pas la chercher. Elle avait envie de tout péter. Elle avait envie de tuer quelqu'un. N'importe qui. Tuer juste pour assouvir sa haine et sa colère. Si cette vieille femme avait été là, celle avec ce vieux couteau rouillé, si cette vieille femme avait été là, mais c'est sûr, elle aurait explosé la tête contre un mur. Elle écoutait sa musique dans son casque. Elle avançait, froide, comme un iceberg dans l'Atlantique noir. Et elle pleurait. Elle pleurait. Elle pleurait. got no shoes. I ain't got no money. Ain't got no class. I ain't got no skirt. Ain't got no sweater. I ain't got no perfume. Ain't got no babe. I ain't got no man. I ain't got no mother, ain't got no future. I ain't got no friends, ain't got no schooling. I ain't got no love, ain't got no name. I ain't got no ticket, ain't got no talking, ain't got no girl. And what if I got? Why my life anyway? And what if I got? Nobody can take away. Got my hair, got my head, got my brain, got my ears. Got my eyes, got my nose, got my mouth. I got my smile. À 14 ans, on me disait t'es pas jolie avec tes cheveux frisés. Tu ressembles à Tighty Bob, le méchant des Simpsons. Alors le premier truc que j'ai fait, je me suis teinte en blonde et j'ai fait un défrisage. Mais après, dans les mariages, on me disait toi, t'es pas une blonde de Dieu. Mes cheveux, je les montre pas. Ils ne regardent que moi. Parfois, je me demande si le vent qui soufflait sur eux ne me manque pas un peu. Mes frères me disaient, coiffe-toi, wesh. T'as pas d'argent ou quoi? T'appartiens à la FFF, la Fédération des Fatou Flingués. Coco Chanel a dit, une femme qui se coupe les cheveux est une femme qui s'apprête à changer de vie. J'ai pris cette phrase pour moi. Je me suis coupé les cheveux, après j'ai regretté. Il faut demander à Dieu pourquoi on a des cheveux comme ça. Au collège, c'était mort, j'y allais pas. Je préférais sortir toute nue qu'avec mes cheveux en pétard. J'avais trop la honte. La première fois que j'ai vu une boîte de défrisant, j'ai cru que mes cheveux allaient devenir lisses et soyeux, comme ceux des blanches. Mais c'était pas vrai, ça a jamais marché. Petite, j'avais pas le choix, on me les défrisait. Un jour, j'en ai eu marre et j'ai arrêté. Mes grandes sœurs se sont moquées de moi, elles m'ont dit « tu ressembles à un caniche ». Moi, je m'en foutais. Au lycée, on m'aimait comme j'étais. Je voulais être blonde aux yeux bleus et avoir des cheveux qui volent au vent. Je ne pouvais plus me voir avec des cheveux naturels. J'aime même faire des mèches. Le problème, c'est le jour où tu les enlèves. On découvre que c'est pas tes vrais cheveux. Et là, t'as encore plus honte de toi. Ma mère sans sa perruque a l'impression d'être en pyjama. Elle me dit, si je la mets pas, je me sens comme une esclave. Abby, nos racines sont sur nos têtes. Et chacun de nos cheveux raconte mille histoires. Et nous devons enlever les nœuds de nos esprits, mais pas ceux de nos cheveux. Mes cheveux, Abby, sont à moi. Donc si j'ai envie de me les tresser, je me les tresse. Si j'ai envie de me les lisser, ben je les lisse. Si j'ai envie de me les raser, ben je me les rase aussi. Si je veux porter le voile, tiens, ben je porte le voile. Et si je veux porter une perruque, ben je porte une perruque. Je suis différente. Mais ma différence n'est acceptée que dans les discours. Je ne connais pas les critères qui feront que je deviendrai pareille aux autres. Car ces critères n'existent pas. Et certains voudraient qu'ils n'existent jamais. Certains me reprochent, sans jamais me le dire, d'être ce que je suis et dont je ne suis pas responsable. D'autres me reprochent d'être ce que je ne suis pas et dont je ne suis pas responsable. La réalité est que si je suis arabe, ou africaine, ou asiatique. Je ne cesse pas pour autant d'être de France. et qu'être de France, c'est être de ce pays aujourd'hui, mais aussi demain et après-demain. Ce pays a été un pays de rêve pour mes parents. Et me voici, à présent, au cœur de leurs rêves. Je suis là, bien vivante. Lorsque je marche dans la rue, je ne saurais dire ce que les hommes voient. Mais ce qu'ils voient n'est pas moi, je le sais. Ce qu'ils voient est un corps de femme, une couleur de peau, un visage, des yeux, une bouche, des cheveux, un ventre, un dos, des jambes, des formes, un corps de femme, semblable à mille autres corps de femmes, un corps qui pourrait tout aussi bien être celui d'une mère, d'une sœur, d'une épouse. Mais en fait, non. Leurs regards ne veulent pas reconnaître comme tel ce corps qui pourrait les enfanter tous. Ce corps qui soit là, ou en tout autre lieu du globe, ces hommes en font la plupart du temps un véritable champ de bataille. Il me faut tenir la barre en restant debout. Beaucoup des hommes d'ici me verraient bien couchés dans leur lit pour explorer mes charmes exotiques et tropicaux. Le temps de faire leur besogne, puis de m'oublier. L'obsession des uns pour me voiler n'a d'égal que l'obsession des autres pour me dénuder. Ces deux obsessions vont de pair et sont la forme symétrique de la même négation de la femme que je suis. L'une voudrait que j'attise le désir des hommes, tandis que l'autre m'interdit de le provoquer. De toute façon, Ulysse, il met toujours les voiles quand ça l'arrange. Et je vous rappelle que depuis 1909, le port du pantalon pour les femmes n'est plus un délit, à condition qu'elles tiennent à la main un guidon de bicyclette ou les rênes d'un cheval. Et cette loi est toujours en vigueur. Avant d'être femme, je suis être humain. Avant d'être noire, je suis être humain. Et quoi qu'il advienne, mon sourire est toujours là. Rien ne peut avoir raison de ma joie. Je suis dans l'éclat de ma jeunesse, entière, courageuse, déterminée, fière d'être telle que je suis. J'avance. Et je ne céderai ni à l'intimidation, ni à la colère, ni à la peur. Et viendra le jour où mon ventre enfantera des femmes et des hommes. Et ces femmes et ces hommes, à leur tour, engendreront d'autres femmes et d'autres hommes. Et tous ceux qui naîtront à leur suite peupleront cette terre. Aussi, je voudrais clairement dire que je n'ai pas besoin de liberté, car je suis libre. Que je n'ai pas besoin de fraternité, car j'ai des frères et des sœurs. Et qu'en vérité, j'ai seulement besoin d'égalité. I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class. I ain't got no skirt, ain't got no sweater, I ain't got no perfume, ain't got no beer, I ain't got no man. I ain't got no mother, ain't got no culture.